Salut, bonjour, ici Radio Zine, il est 11h tout pile et 10, 11, 12, 13 secondes. On a de nouveau notre envoyé spécial qui se trouve sur la route de la salle de jeu pour nous faire écouter de nouveau ce matin la diffusion de la Minute Sonore. Ah voilà. Oui, Antoine. Je monte le volume et je vous laisse écouter. Non. Marie qui fait la morale. C'était la minute sonore qui continue encore à vous les studios. Oui, oui, oui, ben Antoine, on va attendre très sagement ton retour pour pouvoir faire notre début habituel de radio et se détendre tous ensemble la bouche avant de beaucoup parler. Alors... Bonjour. Bonjour. Voilà, on entend des bruits de micro qui se déplacent. Le micro va vite. Non, le micro va pas vite. Ah d'accord. Ouais, mais il y a vraiment une très très longue grande quantité de câbles qui traversent tout le couloir.